Elle est née, on ne sait trop comment, peut-être bien dans un cœur de 20 ans, qui voulait oublier sa malchance et se bâtir un petit coin d'espérance. C'est pour ça que ses couplets et refrains sont moitié faits de rires et de chagrins, et que chacun peut retrouver en elle toutes ses larmes et ses joies les plus belles. C'est la chanson de Paris, c'est la valse des faubourgs, c'est la danse des amours de Rodolphe et d'Amélie. C'est un air simple et gentil qui sent bon la fleur de mai et qui ne mourra jamais. C'est la chanson de Paris. Quand elle va par envie de voyager chez les snobs ou bien à l'étranger, on la farde sous le maquillage, elle ne peut plus reconnaître son visage. Alors vite elle revient dans son coin, son petit coin où l'attendent ses copains. Dans les rues de Paris, la grande ville, qui est son seul et son vrai domicile. Car la chanson de Paris, c'est la valse des faubourgs, c'est la danse des amours de Rodolphe et d'Amélie. C'est un air simple et gentil, éternelle fleur de mai, dont on fait mille bouquets qu'on ne trouve qu'à Paris.